était petit, il était laid et il livrait le Beaujolais dans les croquets du Bourbonnais. Sacré René, sacré René. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est ça le refrain. Et vous allez voir, bizarrement, au bout d'une heure, ça saoule. Donc, je vous garantis, donc je vous encourage vivement à reprendre le refrain avec moi. Alors, accord unique, pratique. Au bout de deux à trois tonnes, il voyait pousser du muguet en plein milieu du mois de janvier. Sacré René, sacré René. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Ouais, c'est un foutoir, quoi, c'est... Reprendre le Beaujolais, chose en fait. En bout de 4 à 6 tonnes, il voyait monter la marée avec ses potes les crustacés. Sacré René, sacré René. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Le Beaujolais. Eh bien, c'est là. Ça va. Eh, hey, oula. Allez, parlez bien parti. En gros de 8 à 10 tonnes, beuglant debout sur ses tonnes, il imitait Elvis. Yeah, sacré René, sacré René. Le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais, le Beaujolais. Le Beaujolais. Eh, c'est bien sûr. Solo. Je suis ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows 98. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, aime les ordinateurs, Windows 98. Je fais des concours de calculatrice, je suis vraiment trop bon. Je fais le concours du robot qui balancera des balles en haut. Trop con. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, aime les ordinateurs, Windows 98. Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows 98. Ingénieur informaticien, recherche femme, désespérément, je recherche, je suis un rat, une mouche, un slip, une culotte élastique, je table, je recherche un homme, un chien, une vache, une tourterelle, un pigeon, un arbre, un bureau, un ordinateur, car je suis... Pipi le flarol, l'ours qui pète. Bonjour les enfants. Si je suis si fripon, pon, et aussi si glouton, pon, c'est que les saucisses sont un souci pour mon bidon. Quel crétin.